soleil au fond du firmament. Crépuscule, la pénombre s'étend, recouvre les cieux de son manteau stellaire, caresse rassurante. Chacun à sa place initiale.